Ce speech is produced by Sam Pala. Si je me rappelle du temps perdu, du temps où l'était tente de prendre du temps quand moi j'étais pas perdu. J'ai pris ce voyage sans destination vers l'heure du sale. Dans ce monde en perdition, j'ai vu des potes trancher des armes. J'ai vu des jeunes qui se battaient, sortaient des lames pour un billet de 200 balles pendant que nos mères coulaient des larmes. Des gens se donnaient à fond pour un salaire ingrat et d'autres prenaient des peines qu'ils ne méritaient pas. J'ai vu des petits jouer au foot sur le béton pendant que leurs grands frères béton portaient des fleurs sur les tombes. On tombe tous, ça devrait être pourtant si simple. Avec la merde qu'on vit, je comprends pourquoi ça devient si dingue. On devrait pleurer, on reste soudés, soudés, ta parole en l'air et trop de préjugés. On assume nos erreurs, on veut faire le bien. Je me rappelle du temps perdu et je pense à demain. Je pense à ce temps où je dois me construire. Je me demande chaque jour comment dois-je me conduire. Je verrai pourtant vite que la vie est si dure que c'est pas facile d'écrire et dur de relire ses ratures. Faut trancher un jour ou l'autre avec quelqu'un de bien, lui apporter le bien et lui faire apporter le sien. Je découvrirai le monde et ses couleurs, que la vie n'est pas. J'apprendrai à donner mon cœur. Je découvrirai Paris, sa vie et ses fonds bas. Dans ces rues qui m'inspirent, moi je chanterai tout bas. Pour tous mes potes et mes refrains partis trop tôt. Condoléances à tous les proches de mes potos. Parfois j'ai mal quand je pense à tout ce temps où il était temps de regagner le temps. Et je me dis qu'un jour j'irai me venger. J'irai péter des mecs le cul posé au parvis. Accompagné de ma tease, attisé par la crise. Dans ce monde qui se casse la gueule, je suis souvent sous emprise. Mon avenir en dépend, moi je regarde le temps. Il passe devant moi comme tous ces changements de temps. Je suis perdu dans un monde lointain. On pense à se barrer, ce depuis longtemps. On cherche sans arrêt à vouloir faire le bien. À force de parler d'hier, moi je pense à demain. Je pense à ce temps où je dois me construire. Je me demande chaque jour comment dois-je me conduire. Je verrai pourtant vite que la vie est si dure que c'est pas facile d'écrire et dur de relire ses ratures. Faut changer un jour ou l'autre avec quelqu'un de bien, lui apporter le bien et lui faire apporter le sien. Je découvrirai le monde et ses couleurs, que la vie n'est pas rose, j'apprendrai à donner mon cœur. Je dois me construire, je me demande chaque jour comment dois-je me conduire. Je verrai pourtant vite que la vie est si dure que c'est pas facile d'écrire et dur de relire ses ratures. Faut changer un jour ou l'autre avec quelqu'un de bien, lui apporter le bien et lui faire apporter le sien. Je découvrirai le monde et ses couleurs, que la vie n'est pas rose, j'apprendrai à donner mon cœur.